Parlons-moi gris, F3 le cop, on veut du bif. Carter ou quoi? On veut du bif, Ray, on évite de se faire serrer. J'écris la main sur le cœur et les couilles serrées. Ça serait si les chats faisaient des chiens. On est peut-être des chiens de la casse, Ray, mais on finira pas en chien. Tout est devenu trop cher de nos jours. Même en taffant jour et nuit, t'es pas sûr d'assurer tes beaux jours. T'as le bonjour de ma rue et ses ruses. Mais quand ça t'arrose, c'est pas des fleurs qui poussent, mais des corps qui se couchent. Tu vois ce qui se passe quand je cause, quand je pose, quand je hausse, quand je hausse le ton. On meurt pour la cause, pour le bif, pour la mif, ou pour rien, j'en sais trop rien. Parfois je sais plus où j'en suis, hey, je suis qu'un terrien. On a intérêt de s'armer de patience et de courage. La rage est mise à bon escient, évitons les bourrages. De crâne, demande au poteau sourac. On a la dalle, on veut du bif et on s'endort mieux après une sourate. On veut du bif, Ray. On veut du bif. On veut du bif, Ray. On veut du bif. C'est pour la mif, Ray. C'est pour la mif. C'est pour la mif, Ray. C'est pour la mif. On veut du bif, Ray. On veut du bif. On veut du bif, Ray. On veut du bif. C'est pour la mif, Ray. C'est pour la mif. C'est pour la mif, Ray. C'est pour la mif. Contraintes contraignantes sont toutes contre nous. On nous parque dans des blocs qui s'étonnent qu'on traîne contre nous. On y passe tous un jour, qu'on soit mineur ou majeur. La faucheuse ne traite pas, que tu sois en indé ou en majeur. Comme beaucoup de mes frères dans le rap, j'suis en mission. J'pose pas de questions, le son se fait sans trop de conditions. Donne-moi un thème, j'l'entame, tu verras que mon flow est taille. Mon rap sans la merde est terre-terre au détail. On contre les lois qui étaient votées contre nous. Et on compte les failles du système pour agir contre eux. Tous les jours, j'me bats avec moi-même. J'suis fier de ma couleur, même si on embauche plus de Paul que de moi-même. Et quand tu cherches un appart, c'est là même. Bon salaire et bonne allure, mais la couleur reste la même. J'aimerais passer la salade avant le litron de salade. J'passe le salam aux frères qui disent hey, le coup c'est le. On veut du bif, Ray. On veut du bif. On veut du bif, Ray. On veut du bif. C'est pour la mif, Ray. C'est pour la mif. C'est pour la mif, Ray. C'est pour la mif. On veut du bif, Ray. On veut du bif. On veut du bif, Ray. On veut du bif. C'est pour la mif, c'est pour la mif, c'est pour la mif, c'est pour la mif. On veut du bif, Ray, Ray, on veut du bif. On veut du bif, Ray, Ray, on veut 3 le 4. On veut du bif, Ray, Ray, on veut du bif. On veut du bif, on veut du bif, Ray. On fait du bif, Ray, Ray, on veut 3 le 4. On fait du bif, Ray, Ray, on veut du bif. On fait du bif, Ray, Ray, on veut du bif. On fait du bif. On veut du bif,